Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais dire à quelqu'un, éloigne-toi des mauvaises compagnies qui t'entraînent dans le péché. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous allons prier, nous sommes à OSP. Réveille ton mari, réveille ta femme. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, 14 à 22. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec vous. Lisons 1 Corinthiens 10, 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Nous allons voir deux grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, fuyons l'idolâtrie. Ce passage dit au verset 14, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il y a des péchés pour lesquels le Seigneur recommande de fuir. L'idolâtrie, c'est toutes sortes de pratiques qui nous poussent à adorer autre chose que le Créateur manifesté en Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est le fait de se prosterner devant des idoles, devant les statues. Je vais dire à quelqu'un, si tu te prosternes devant une statue, la Bible interdit, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, c'est participer aux cérémonies ancestrales, telles que les fêtes des générations, telles que les libations, telles que les sacrifices que l'on offre. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'entrer aussi dans les mouvements mystiques ou occultes qui sont interdits par la Bible. C'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont fait entrer l'idolâtrie même dans l'église. Des pratiques de sorcellerie, des pratiques d'envoûtement. Comment peut-on dire que quelqu'un peut sortir du corps et voyager, aller à Paris, aller à Londres, aller je ne sais pas dans quel pays? Non, ça c'est une autre forme d'idolâtrie. Bien-aimés, fuyons l'idolâtrie sous toutes ces pratiques, sous toutes ces formes. Comment peux-tu me dire que tu es chrétien et tu es en même temps membre d'une loge mystique? Tu portes des bagues bizarres sur 3-4 doigts. Tu portes des pentacles. Tu portes des médailles avec des croix bizarres. Vous voyez, toutes ces choses, ce sont des pratiques idolâtres. Mais pourquoi devons-nous fuir l'idolâtrie? Nous avons deux raisons principales. Première raison, l'idolâtrie ouvre la porte aux démons. La plupart des gens qui ont des problèmes d'envoûtement, c'est parce que soit ils ont participé à des invocations, ils sont partis adorer les esprits des eaux, ils ont participé au repas, ils ont mangé des repas sur lesquels on a fait des incantations. Toutes ces pratiques ouvrent la porte aux démons. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci, à partir du verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole et quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voyez, le contexte ici est celui des viandes sacrifiées aux idoles. Beaucoup de gens sont envoûtés à partir d'un repas qu'il est parti manger quelque part, des repas dits sacrés dans nos villages. Tu participes à ces repas qui sont sacrifiés à des démons. Quand tu manges un repas, par exemple, qui est dédié à une divinité, à un génie, à un esprit, à quelqu'un qui est décédé, automatiquement, tu entres en communion spirituelle avec ces démons-là. Est-ce que tu comprends pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes d'envoûtement? C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Si tu te rends compte que tu as ouvert la porte aux démons, va voir un pasteur qui va prier pour toi. Si tu as fait des pactes de sang, des pactes avec les diables, toutes ces formes d'idolâtrie nécessitent une confession. Il ne faut rien cacher. Lorsque tu vas voir le pasteur, tu dois confesser tout ce que tu as fait. Il va prier pour toi pour que toutes ces puissances démoniaques qui sont entrées pour te mélanger puissent être chassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas nous livrer à l'idolâtrie, c'est que l'idolâtrie attire la colère de Dieu, la jalousie de Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il punit ces péchés-là d'idolâtrie jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Vous voyez ici le verset 22. Paul, il évoque cela de manière sous-entendue. Il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? L'idolâtrie provoque la jalousie de Dieu. C'est un Dieu qui est jaloux. C'est pourquoi, lorsqu'il va dire, dans Exode chapitre 20, du verset 3 jusqu'au verset 5, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Deuxième vérité, la Sainte Cène est un repas de communion. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui participent à la Sainte Cène sans comprendre l'importance de ces repas sacrés. Ce qu'on appelle dans nos églises évangéliques les ordonnances du Seigneur. Il y en a deux. Il y a le baptême et la Sainte Cène. Ici, la Sainte Cène est un repas de communion. Et lorsqu'on parle de communion, il y a les deux dimensions de la communion. Il y a la dimension verticale, c'est-à-dire c'est un repas qui nous fait entrer en communion avec Dieu. Et il y a la dimension horizontale, c'est un repas qui nous fait entrer en communion avec les autres membres de l'Église. Ici, l'apôtre Paul dit au verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Vous voyez, quand on parle de la coupe de bénédiction, il s'agit du vin que nous prenons pendant la Sainte Cène. Et quand on parle de pain que nous rompons, c'est la communion au corps de Christ. Vous voyez, ici, la Bible ne dit pas que le vin se transforme en sang réel de Christ ou le pain se transforme en corps réel. Non, vous voyez, c'est un langage symbolique. Lorsque nous prenons le pain, la présence de Christ est spirituelle, mais comme c'est un repas qui est dédié à notre Seigneur, nous entrons automatiquement en communion avec lui, en communion avec son esprit. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas être à la fois en communion avec Jésus et en communion avec les démons. Vous comprenez? C'est un repas qui est sacré. C'est pourquoi quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons le faire avec discernement. Nous devons nous examiner parce que ce repas nous fait entrer en communion, la communion verticale. Ça renforce notre communion avec Dieu. Mais il y a aussi la dimension de la communion horizontale. C'est-à-dire, c'est un repas qui nous rappelle que nous faisons partie du corps du Christ. Et lorsque nous faisons partie du corps du Christ, nous devons être en communion avec nos frères et sœurs. Quand je participe à la même table avec mon frère, ma sœur, il faut que je puisse bannir tout ce qui est animosité. Comment se fait-il que nous participons à la table du Seigneur et nous avons des frères et sœurs qui ne se parlent pas? Nous avons des pasteurs qui sont des ennemis. Nous avons des diacres qui ne se parlent pas. Nous avons des diacres qui sont ennemis du pasteur. Nous avons des mamans dans les groupes de femmes, dans le groupe musical, qui ne se parlent pas. Ce n'est pas normal. Et comment participez-vous à la table du Seigneur? Parce que c'est un repas de communion. Je participe à la même table que mon frère, ma soeur. Ça veut dire que je suis en communion avec lui. Nous sommes membres du corps du Christ. Voyez, il est dit au verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. La Sainte Cène nous rappelle que nous formons le corps du Christ. Et dans ce corps, nous devons réellement vivre l'unité dans la diversité. Malgré la diversité des charismes, la diversité des rôles, la diversité des tâches, la diversité d'ethnies. Mais nous formons un seul corps. Dans l'église, le dénominateur commun, c'est Jésus de Nazareth. Dans l'église, on ne devait pas avoir le tribalisme. On ne devait pas avoir la xénophobie. Parce que nous formons les membres du corps du Christ. Quand j'ai des problèmes avec un frère, une sœur, il faut que nous puissions nous réconcilier, nous pardonner. C'est ça aussi, la communion horizontale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur pour toutes ces paroles, mais nous allons le louer en chantant d'abord ce cantique. Nous allons en Belanguya, papa, au bon moment à côté. Yuzali nzambe nangu ya papa ya bongo. Yuzali nzambe Yahweh. Yuzali nzambe nangu ya papa ya bongo na kate. Yuzali nzambe nangu ya papa ya bongo na kate. Gloire au Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Nous vous saluons à partir d'Abidjan. OSB, c'est une émission qui est produite à 5h du matin, temps universel. Vous pouvez suivre en direct cette émission si vous téléchargez notre application VoxM. Vous pouvez suivre toutes les émissions de Fréquence Vie. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Nous venons de voir que nous devons fuir l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie ouvre la porte aux démons. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui se rendent compte qu'ils ont ouvert la porte aux démons. Parce qu'ils ont participé au rite d'invocation satanique. Ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Ils sont partis adorer des eaux. Ils sont partis adorer les dieux des montagnes. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse les purifier au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier pour que réellement, ils puissent revenir au Seigneur pour être libérés de toutes ces puissances au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom, Père éternel. Ta parole déclare par le psalmiste, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Sécurise tes fils et tes filles, ô Père éternel. Nous sommes dans la joie parce que nous avons ce matin le privilège d'invoquer une fois de plus ton nom. » Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour tous ceux et pour toutes celles qui se sont impliqués, qui sont tombés dans l'idolâtrie par des actes qu'ils ont posés, par des aliments qu'ils auraient mangés, par des alliances qu'ils ont faites. Nous prions, ô Père éternel, éternel, et nous demandons que par la manifestation de la puissance de ton Esprit Saint, ces liens soient brisés. Nous proclamons leur délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi par ton Esprit Saint à tous ceux qui marchent dans l'idolâtrie, qui se sont impliqués dans des activités idolâtres, afin qu'ils soient sensibles, qu'ils soient sensibilisés par rapport à cette mauvaise décision, cette mauvaise voie empruntée, et qu'ils renoncent à cette voie. Nous prions contre toute forme d'aveuglement spirituel. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants qui ont abandonné tes voies en s'adonnant à l'idolâtrie, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent s'humilier et être restauré. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir que la Sainte Cène est un repas de communion avec Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à nous approcher de ces repas vraiment avec discernement. Que réellement ces repas reflètent cette communion avec lui. Et que lorsque nous nous approchons de ce repas et que nous nous rendons compte que nous avons péché, nous devons lui demander pardon. Prions le Seigneur afin que dans nos églises, ce repas soit célébré avec discernement au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, de toute grâce, le Dieu de miséricorde. Gloire te soit rendue à jamais, parce qu'avant de partir, tu nous as laissé des ordres, des commandements, ce que nous devons faire pour nous souvenir de toi. La Sainte Cène, l'Eucharistie, ton repas fait partie avec le baptême, mais surtout ton repas qui est composé de deux éléments, le pain et le vin. Ça nous permet de nous souvenir de tes souffrances. Ça nous permet également de manifester le vrai partage, l'amour, la communion, de nous aimer, de nous supporter. Merci Seigneur. Nous devons le prendre avec beaucoup de discernement. Dans 1 Corinthiens, tu nous dis, c'est parce que nous n'avons pas de crainte que beaucoup sont malades, beaucoup sont morts. Beaucoup le prennent sans discernement, sans crainte. Ô Seigneur, nous t'en supplions à ne pas prendre ce repas à la légère. C'est avec beaucoup de consécration, dans la repentance, dans la consécration, Seigneur, en venant dans ta présence. Nous t'en supplions, permets à nos serviteurs, à tous ceux qui partagent ce repas, qui préparent ce repas, de le faire dans la sanctification, dans la consécration, dans la prière. Quand c'est annoncé, nous devons nous approcher. C'est dans la sanctification. Avec beaucoup de crainte, Seigneur, nous t'en supplions, aide-nous à nous approcher de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi la dimension verticale de la Sainte Cène, la communion verticale. Nous allons prier pour que ce repas sacré nous rappelle que nous devons nous réconcilier. Nous devons bannir l'esprit de rivalité, l'esprit de haine, d'animosité, de querelle, de dispute. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu et notre Père, parce que tu as fait de nous, fils du royaume, des hommes et des femmes qui font partie du corps de Christ. Tu nous as accordé la vie en abondance, et tu nous as réconciliés avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la communion, nous avons le repas sacré, nous avons la Sainte Cène, qui est notre coupe de bénédiction, qui nous rappelle la mort et la vie de Christ, qui nous rappelle la présence de Dieu en nous et autour de nous. Et par ce repas, nous voulons être des enfants toujours réconciliés avec toi, des enfants qui t'aiment et qui t'adorent et qui font ta volonté. Nous ne voulons pas nous dérober au Dieu de ta grâce. Nous voulons être des participants de l'avancement du royaume. Nous voulons permettre que les sacrifices que nous faisons t'honorent, te glorifient. Ainsi, nous prions, Seigneur, que tu ôtes, pendant que nous nous approchons à la table du Seigneur, que tu enlèves l'animosité, que tu ôtes au milieu de nous la rivalité, les disputes, la haine, le mépris. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits, pour que chaque jour, nous témoignons que Christ est Seigneur, Christ est Dieu, que notre esprit témoigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, partout et en tout temps. Merci Seigneur pour la communion verticale que nous avons avec toi à cause du corps et du sang de Jésus-Christ qui est un mystère dans ces derniers temps afin de nous approcher de toi pour mieux te connaître et de mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Sois loué, sois exalté pour ce merveilleux jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.